Inch'Allah, on va commencer par une petite question. Akhana Khalid. La question, elle est pour toi aujourd'hui, Inch'Allah. طيب انت مغربي اي وفقك الله طيب on dit moi je suis un habitant du Maroc est-ce que j'ai le droit de parler en mal sur les sur le président de l'Algérie مثلا ou dans notre pays le Mali ou le Sénégal j'ai pas le droit انتم معه نعم ها حسنا انا معه ليش pourquoi tu es d'accord avec lui on parle pas sur les gouverneurs c'est à dire est-ce que c'est les gouverneurs d'une manière globale ou c'est ceux du pays dans lequel tu vis la gouverneur musulmane hein gouverneur musulmane Tous les gouverneurs musulmans. Tous les gouverneurs musulmans. Vous êtes tous d'accord ? Hakada ? Vous êtes tous d'accord ? Naam, naam, ya ikhwa. Ahsant, ya Khalid. Naam. C'est ça la réponse juste. C'est que cette parole, c'est-à-dire le fait de parler sur les gouverneurs en disant des paroles qui peuvent entraîner la rébellion de la population contre eux, alors ça, c'est interdit. Et même si c'est des paroles à l'encontre d'un gouverneur qui ne se trouve pas dans le pays dans lequel on vit. Non. طيب. سؤال ثاني. عبدالله. حضرت الدرس الدرس الأخير كنت ما حضر خلاص عندك أبا سليمان ما هي أقدم الفرق وما هي أبقاها quelle est la plus ancienne des sectes qui est sorti de enfin qui est sorti c'est-à-dire de la voix du prophète alayhi salatu wassalam et quelle est celle qui va rester le plus longtemps sur terre Al-Khawarij c'est la secte qui c'est la plus ancienne des sectes c'est la première secte à être apparue dans l'islam et ça faut vraiment que chacun d'entre vous Il médite sur cette chose-là. C'est la première secte qui est apparue dans l'islam. Ça veut dire que le musulman, s'il veut rester à la sabbat et dans la droiture, il doit connaître quelles sont les shubuhat et les ambiguïtés que contiennent cette secte, étant donné que c'est la plus ancienne. Taïb, et celle qui va rester le plus longtemps sur terre ? Hein ? Al-Khawarij. Non. Donc c'est la plus ancienne et c'est celle qui va perdurer le plus. Ash عندك دليل ما عندك دليل يعني حتى بالمعنى الحديث les hadiths même s'ils sont authentiques tu peux les rapporter dans leur sens. Je veux dire le prophète a dit et tu évoques la parole, même si c'est un peu déformé, du moment que le sens il est juste, tu as le droit d'évoquer le hadith dans son sens. Par contre, la parole d'Allah Azzawajal, ce qui est du Coran, là, tu n'as pas le droit. S'il y a un waouh, tu dis le waouh, tu ne dis pas le fa. Non. Ah. Man yadhkur dalilan. Ah. يعني سيخرج آخرهم مع الدجال كما سيدفنو دون un hadith, dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque les khawarij en disant que le dernier d'entre eux sortira avec le Dajjal. Non. Et on a vu certaines caractéristiques des khawarij. Les caractéristiques qu'on a vues des khawarij, certains, ils sont encore présents au jour d'aujourd'hui, et d'autres, ils sont moins visibles. Ceux qui sont présents, Maho, parmi les signes qu'on a vus, qui sont jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont présents chez eux. C'est des cheveux. Naam, que ce sont des jeunes gens. Naam, celui qui est sorti dernièrement en Irak, en prétendant qu'il était émir au Chez Minhada, ça, son âge ne dépasse pas plus de 40 ans. Ma haoula. Naam. Wa, Abdel Malik. Voilà, ça c'est des signes. Robama, vous n'allez pas les trouver à notre époque chez bon nombre de khawarij. Vous n'allez pas forcément trouver qu'ils sont vigilants sur le fait de se raser la tête. Et quand on dit se raser la tête, est-ce que c'est comme le frère Abu Suleiman, Hakada? Voilà. Ouais. Voilà, c'est lorsqu'il se rase la tête, Bilmous, avec le rasoir. C'est ça, c'est le fait de toujours se raser au rasoir qui est détestable pour le croyant, car c'est une ressemblance au khawarij. Non. Et parmi les autres signes, ils mettent pas de crème. Ils mettent pas, ils délaissent les huiles ou les crèmes que la plupart des gens mettent sur la peau. Non. Donc ça, c'est deux signes, le rasage de la tête, ainsi que le fait qu'ils ne mettent pas de crème ou de n'utilisent pas d'huile. Ça, c'est des signes que peut-être on ne trouvera pas à nos jours. Et peut-être que dans un temps futur, ils vont revenir sur ces caractéristiques-là. Là, okay. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, na'tabiru haqqan. Pour nous, c'est un haqq. Tamam. Même si on ne le voit pas avec les yeux. Na'am ya khana asma. L'ignorance. Na'am annahum juhal. Annahum juhal. Wa mada. Voilà, et ils ne reviennent plus aux gens de science. Non, mais ça, c'est visible. Ça, c'est visible. Il y a un bon nombre de ces gens-là. Ils ne peuvent pas avoir un débat scientifique avec quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un tant soit peu de science. Non. Et parmi aussi leurs signes, ce sont des grands adorateurs. Taïb, certains disent que ça c'était les khawarij de la première époque. La première époque c'était vraiment des ubad nosak. Mais aujourd'hui, ni tu les trouves dans la salawat, yani a'imma, ou la tajidhum fi siyam, ou la fi shay min al-ibadat. C'est vrai que de nos jours, les khawarij, ou on peut les appeler takfiriyid ou autres, ils n'ont plus ce trait caractéristique. pourquoi on évoque les caractéristiques des khawarij, les mada. C'est quoi la faïda que je vous dise qu'ils sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Pour s'en donner le venu. Naam. Pour que tu puisses le reconnaître. Awwal ma yantaq. Première des paroles que tu vas entendre de lui, tu vas savoir sur quelle voie il est, sur quelle voie il se porte. Et tu pourras ainsi t'en écarter. Et regardez, ikhwa, combien la umma, elle a été éprouvée par cette secte. À elle toute seule. Kam dammarat. من البلدان. سوريا راحت. اليمن راحت. ماذا؟ ليبيا راحت. مصر ها. تونس راح. كم من بلدان وكم من قتلى وكم من أيتام وكم من أرملة، كم من فساد بسبب خروج على الحاكم. لا لو درس ك كون ابري لا كوميونيتي avec le printemps arabe, c'est un درس عظيم جدا. C'est un درس عظيم جدا. Le fait de contredire la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام انه لا ليس بسهل. Les gens ils sortaient dans la rue, ils disaient, ils ont voulu sortir d'Ak al-Qaddafi. Et qui vous apprendra quelle était la situation des gens en Libye à l'époque de Kadhafi? Et regardez leur situation aujourd'hui. Adhaqahumullah su' al-'adab. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a fait goûter par une mukhalafa, juste pour cette contradiction avec le kitab et la sunna, il leur a fait goûter l'un des pires châtiments. Wa kanu fi gharad. Ils étaient dans une bonne vie apparente. C'est-à-dire ils avaient des moyens, ils avaient financièrement, ils étaient assez aisés. Non. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. نعم. طيب. طيب إذن الخوارج إذن comment ils arrivent à comment c'est quoi le début de leur prêche quand ils viennent aux gens, ils parlent de quoi? Ils viennent avec des dalils. Ils viennent avec des dalils. Sahih, ça fait partie de leur caractéristique qu'ils emploient souvent des paroles du Coran ou de la Sunna ou de certains imams. Des fois, ils peuvent prendre la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Kathir. Beaucoup de fois, tu vas les trouver, ils prennent la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Non. Lakin, Cheikh al-Islam, hal kana kharijiyan? Est-ce que Cheikh al-Islam, il était sur leur voie? Abadan. Abadan. Bal kana min ab'ad al-nas. Mais il faisait partie des gens les plus éloignés de cette voie-là. Non. طيب, mais comment encore ils viennent aux gens? Avec les sentiments. Ils parlent sur les gouvernements. Ça veut dire qu'ils viennent avec les sentiments, mais ils essayent de toucher la population en remplissant leur cœur d'inimitié et de haine contre le gouverneur. Kalnahum. Mathalan, aujourd'hui, t'as pas d'argent, t'es malade, c'est à cause du hakim. T'as pas de situation, c'est à cause du hakim. T'as pas de travail, c'est à cause du hakim. Al-Nas, يعني, الضعفاء منهم الذين ما عندهم اعتقاد صحيح, يذهب معهم. بالعاطفة. Et donc, les gens qui n'ont pas une croyance ferme et qui n'ont que peu de science, lorsqu'ils entendent ce genre de paroles, ils partent avec eux. نعم. نعم. طيب إذا نواصل درسنا ما دام أن الكلام, وعليكم السلام ورحمة الله, ما دام أن الكلام في الخوارج, فأحببنا أن نذكر أن الخوارج أقسام, ينقسمون إلى عدة فرق. Donc les خوارج, c'est une secte, on va dire, c'est une secte mère qui se divise en plusieurs sectes, plusieurs branches. Tamam? Wa min akhbath al-firaq man et Khana Ousmane, elle fait partie des sectes les plus mauvaises, qui est affiliée au Khawarij. Non, c'est pas là, c'est, on l'a pas vu ça. C'est pas dans les dros qu'on a fait. Là, tu allais me dire Al-Qa'diyya. Ouais. Ça fait partie des sectes min akhbatim. Lakin là, on veut une autre secte que tu as dans la tête. Ta'rifhum jayidan. Shi'a. Na'am. Al-Shi'a. Sahih. Les chiites. Et plus particulièrement les Rawafid. Ils sont affiliés au Khuruj. Voilà chaque. Ahsan et Yassine. Mais en vérité, les Shia, ils ont pas eu le même impact qu'une autre secte. Cette secte-là, elle a eu un impact sur la terre entière. Mithl al-Matar. Iyadun billah. C'est-à-dire, elle a touché n'importe quel coin de n'importe quel continent, tu vas les trouver. Aywa, ikhwan al-muslimon. Les frères musulmans. Naam. Fahiya firqatun khabitha. Elle fait partie aussi des sectes très dangereuses. Et elle fait partie des sectes qui est affiliée aux Khawarij. Parce que la base des Khawarij, c'est quoi leur base ? Le fondement de leur secte, il est basé sur le fait de sortir contre qui ? Contre le gouverneur. Donc toutes sectes qui vont être en accord avec eux, on dira qu'ils s'affilient au Khawarij juz'iyan. En quelque sorte, ils s'affilient au Khawarij. Même si ce n'est pas dans la totalité de leur croyance. Non. طيب. قلنا واما الاخوان المسلمون فما هي الا فرع من فرقه الخوارج وكتب الاخوان المسلمين قاطبه دون استثناء هي التي احيت هذا المعتقد في قلوب الناشئه. نعم parce que la croyance des Khawarij, il y a quelques années, c'est-à-dire il y a une centaine d'années, elle était presque morte. Il n'y avait plus beaucoup de personnes qui avaient cette croyance fil alam l'islam. Mais qu'est-ce qui a revivifié cette croyance et qui l'a fortifiée? Ce sont les livres des frères musulmans. Et le fondateur des frères musulmans, Menhou Saïd Hassan. Ah, il y a un frère qui me dit Saïd Khot, et il y en a un autre qui me dit Hassan al-Banna. Kef al-Kala. Ah, Hassan al-Banna, c'est ce que tu as dit la phrase. Naam, Hassan al-Banna. Ahsan. On se pardonne dans ce qu'on n'est pas d'accord. Naam. Ahsan, tu es Atman. Donc le fondateur des Ikhwan al-Muslimin, c'est Hassan al-Banna. Taïb. نعم. فالإخوان المسلمين هم أتباع حسن البنا وهو المؤسس وكان صوفيا. هذا لابد أن تعرفوه أن حسن البنا sa croyance en fait lui c'est quoi, c'était un soufi. Et les soufis parmi les différentes sectes parmi les différentes sectes de l'islam, c'est l'une des sectes qui est le plus proche du shirk. C'est dans cette secte qu'on va trouver beaucoup d'adorateurs de tombes, beaucoup de gens qui sacrifient pour les tombes, beaucoup de gens qui font le tawaf autour des tombes et autres. Donc Hassan al-Banna, c'était un soufi à la base. نعم ومنهاجهم عليه ملاحظات. Donc et la voix des la voix des frères musulmans, on va résumer certains points, les points les plus importants qui constituent leur cheminement. Al-awwal, at-tahawun fi tawhid al-ibad. Fi tawhid al-ibad, afwan. Fi tawhid al-ibad. Alladhi huwa ahamu shay fi l'islam. Wa la yasihu islam al-abd illa bih. Donc déjà, parmi les premières critiques que l'on peut faire à cette secte, et c'est la critique la plus importante, c'est qu'ils n'ont aucune... ils ne portent aucune attention au tawhid. Au tawhid, al-ibad, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et au fait d'appeler à cela. Na'am. Bal, si tu vois la plupart des prêcheurs qui s'affilient à cette secte, tu verras que c'est très rare qu'ils appellent les gens à adorer Allah Azza wa Jal et à rien ne lui associer, à rien lui associer. Or, c'est la da'wa. Or, c'est la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam. C'est comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé, c'est sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il a dit à Mu'adh ? « Ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, falyakun awwal ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illallah. » Hein ? Le prophète Hassan dit à Mu'adh, là tu t'en vas vers des gens faisant partie des gens du livre. Que la première des choses à laquelle tu les appelles, c'est pas à parler des erreurs du gouverneur, oh il faut le changer, oh il est injuste ou autre. Non. Et c'est même pas de parler des péchés. Laisser l'alcool, laisser la fornication, laisser... Là, la da'wa, elle commence par quoi ? Min al-asl. Wa ibadatullah. Et c'est ça la base. N'importe qui doit prêcher une personne, il faut pas qu'il s'éloigne du but. Le but suprême, c'est d'adorer Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانِ. Tout ça, ça nous montre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon une traduction approximative, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a suscité dans toute communauté des messagers afin qu'ils disent adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Ça c'est ça c'est le véritable prêche d'une personne qui veut le bien pour la communauté. Qui veut le bien pour la communauté. Ça veut dire que son rappel, il est essentiellement basé sur le tawhid. Et lil asaf shadid, vous allez trouver que rares sont les sectes qui appellent au tawhid. Al-Khalis. Pas plus tard que hier ou avant-hier, j'ai assisté Qadaran à un prêche que font les tablir après le fajr. Wa كنت اعمل بالاذكار وهذا قام لكلمه. Donc j'étais en train de faire mes adhkar et cette personne de tablir, il a commencé son prêche comme ils font habituellement après la prière. Il a commencé à parler. فاولا تعجبت ان الاخ يتكلم بالعربيه. C'est rare, tu vas trouver quelqu'un de leur groupe qui excelle dans la langue arabe. فهذا كان يتكلم بالعربيه. فكنت استمع كلامه حتى اشوف ماذا عنده. فاذا به يتكلم عن التوحيد. وما هو التوحيد عنده؟ يقول فعلينا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المحيي المميت المدبر وله جميع الصفات. ثم من موضوع إلى آخر يتكلم إلى الصلاة ثم الزكاة ثم وإلى آخره. راح هكذا بالمفتوح يعني تكلم في توحيد الربوبية وأسماء الصفات وراح. يعني كأن الدعوة يعني إلى توحيد العبادة الذي هو أهم الشيء ما هو مهم indahum. Enfin, c'est pour ça, c'est très important que la personne, lorsque elle appelle, que ce soit un proche ou une autre personne, qu'elle l'appelle au tawhid de l'adoration, le tawhid de l'unicité, le fait de vouer un culte sincère à Allah Azza wa Jal. Parce que quand je n'ai pas traduit, ce frère de Jama'a al-Tablir, il a dit, durant son prêche, il a dit, il nous convient, ou il nous est impératif, qu'on ait la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui crée, c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui accorde la subsistance, c'est lui qui a les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Et après, il est sorti du sujet du tawhid, et il a commencé à parler de la salat. La salat et autres. Et donc là, quand vous voyez qu'il a parlé de qu'Allah c'est le créateur, que c'est lui qui donne le risque, ça là, cette croyance là, elle ne te fait pas rentrer dans l'islam. Puisque les kuffars de Mecca, ils croyaient en ça. Bel shaytan, shaytan, il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le créateur. Qu'est-ce que tu lui apprends? Ma t'allume aussi. Non. فلهذا العلم العلم يا إخوة هؤلاء هذه الجماعة ما عندهم انضباط donc la jama'a al-tabligh ils sortent ils font des khuruj wa si ils ont une bonne niya on espère vraiment de tout cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il la ramènera vers la sunna lakin an-nawaya ma takfi ليس كل مريد للخير يصيبه. C'est pas toute personne qui veut faire du bien qui l'atteint. لابد من العلم. Mais il faut toujours, avant de parler, avoir de la science sur ce qu'on va dire. Donc la première des critiques qu'on peut faire aux frères musulmans, c'est qu'ils n'ont pas d'intérêt pour le tawhid العبادة. طيب ثانيا سكوتهم وإقرارهم للناس على شرك الأكبر. Et aussi, deuxième critique qu'on peut leur faire, le fait qu'ils se taisent. Ils se taisent. Ils ne réfutent pas les gens qui tombent, qu'ils voient tomber dans le shirk al-akbar. Comme ceux qui font des tawaf autour des tombes. Comme ceux qui font qu'ils égorgent pour autre qu'Allah, Azza wa Jal. Comme ceux qui font des vœux pour autre qu'Allah ou autre. Eux, ils ne réfutent pas ces gens-là. Ils ne réfutent pas ces gens. Et comment ils les réfuteraient alors que leur fondateur, comme on l'a vu, il est dans ce, il est soufi. Tamam. Donc ça c'est une chose, parce que les adorateurs d'Allah Azza wa Jal, wa atba' al-anbiya, c'est le ashad al-nas hirsan wa inkaran an al-shirk al-akbar wa al-asghar wa jami' al-ma'asi. Donc les gens qui suivent la sunna, ce sont ceux qui sont le plus vigilants à réfuter que ce soit les actes qui concernent le grand shirk ou le petit shirk ou la totalité des péchés. La totalité des péchés. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Ça c'est le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset selon une traduction approximative, dit ceci est mon chemin. Allah subhanahu wa ta'ala il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que ceci est ma voie droite, ceci est mon chemin. J'appelle à Allah. J'appelle pas à avoir le kursi, à avoir la gouvernance d'un quelconque pays. Parce que les croyants musulmans, c'est ça. Eux, ils veulent absolument avoir le pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, le royaume, il le donne à qui il veut. « قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَى وَتُعِزُّ مَنْ تَشَى وَتُدِلُّ مَنْ تَشَى. » Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala, il donne, selon une traduction approximative, Allah donne la royauté à qui il veut. Et il l'enlève à qui il veut. Il élève et il anoblit qui il veut. Et il rabaisse et il humilie qui il veut. Qui a dit qu'elle khair? Dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve le khair. Naam. Taïb. Donc eux, non seulement ils n'ont pas beaucoup d'intention portée au tawhid et l'ibada, mais aussi ils se taisent face à ce que les gens commettent comme shirk al-akbar. Troisièmement, wujud al-bid'ah indahum wa ta'abbuduhum biha. Le fait que dans cette secte, tu les verras, ils sont remplis d'innovations. Des innovations qui sont devenues maintenant ma'roufa fil alam, comme une qui me vient là à l'esprit, Mada, al-ihtifal, al-mawlid al-nabawi, l'anniversaire du prophète, alayhi salatu wa salam. Chez eux, c'est comme si c'était devenu une religion. يعني خلاص كم سيستم حديث رواه البخاري ومسلم ما عندهم أي إشكال وهي بدعة alors que c'est une bien mauvaise innovation. Les innovations, elles sont toutes mauvaises. Alaysa kazalik? Les innovations, elles sont toutes mauvaises. Alaysa kazalik? Bidoun ta'ata'a. Ya Abba Idriss. Les innovations, elles sont toutes mauvaises. Bidoun ta'ata'a. Les innovations sont toutes mauvaises. Non. Fi bid'a hasana. Ni'ma al-bid'a hadi. Non, mais ça dépend. On parle de quoi quand on parle d'innovation. Ça dépend, on parle de quoi quand on parle d'innovation. Si c'est dans la religion ou pas. Si c'est dans la religion ou pas. أحسنت إلا يضرك لأن عمر قال لما رأى المؤمنون يصلون التراويح قال نعم البدعة هذه نعم البدعة هذه عمر quand il a vu les compagnons prier le tarawih pour la première fois tous regroupés derrière un imam parce que cette manière là qui est venue au temps de Omar elle n'y était pas au temps d'Abu Bakr. Il n'y avait pas de tarawih. Au temps d'Abu Bakr, il n'y avait pas de tarawih comme on le voit aujourd'hui. Les gens, ils priaient chacun dans son côté, chacun dans sa maison. Chacun, il prie avec sa femme, ses enfants, sa tribu, de son côté. Et Omar, lorsqu'il a vu que les gens, ils étaient mutafariqin, ils étaient séparés, il y a celui qui a demandé à ce qu'ils se rassemblent sur un imam. Et lorsqu'il les a vus tous rassemblés dans la mosquée, prier derrière un imam, si je ne me trompe pas, c'était Ubay ibn Ka'b. Il a dit, quelle belle innovation celle-ci. Et les ikhwan al-muslimin, ils viennent, ils prennent cette parole-là. Et khalas. Pour eux, c'est permis. Donc eux, ils ont pris cette parole-là de Omar, ils ont dit, bon voilà, ça veut dire que dans le dîn, il y a des mauvaises bid'ahs, il y a des bonnes bid'ahs. Donc eux, ils sont partis, ils ont commencé à propager que dans la religion il y a des bonnes bid'ahs et des mauvaises. Alors que la parole de Omar, qu'est-ce qu'il voulait dire par cette parole-là ? C'est une sunnah religieuse, non ? C'est de dire que ça existait au temps du prophète, mais le fait de la refaire, c'est bien. En fait, la parole de Omar, quand il dit ni'ma bid'ah hadi, il parle dans le sens linguistique. Dans le sens linguistique. Parce qu'une bid'ah, c'est une nouveauté. Donc lui, il dit ouais, c'est une bonne nouveauté que l'on voit. Mais est-ce que le tarawih c'était une bid'a? C'était même pas une bid'a afal, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié quelques jours comme cela. Il a regroupé certains de ses compagnons derrière lui et il a prié comme cela. Donc c'était même pas une bid'a. Mais l'oratan, dans la Laura, tu peux dire ça c'est une bid'a, dans le sens c'est une nouveauté. Amma fi din, laysa hunak bid'a hasana. كل بدعة إيش ضلالة كل من ألفاظ العموم المو كل ça fait partie des articles que les Arabes employaient pour désigner la totalité, la globalité. C'est-à-dire toutes les بدعة في الدين elles sont un égarement, une source d'égarement. Tamam. Donc ça c'est une secte qui contient énormément de بدعة. ورابعا دعوتهم متوجهة إلى الخلافة لا إلى توحيد الله كما كانت دعوة الرسل إلى لا لا troisième critique c'est à quelle heure le Isha 33 là il reste combien de temps à l'Isha 30 minutes Donc leur prêche, le prêche des Ikhwan al-Muslimin, et ça vous pouvez analyser dans n'importe quel, chez n'importe quel prédicateur faisant s'affiliant au Ikhwan al-Muslimin, vous allez le trouver, il est toujours dans ce qui concerne la politique. Toujours dans ce qui concerne la politique, la gouvernance, ou des choses qui sont similaires. Or, le prêche des prophètes, il n'était pas tourné vers cela en premier. Le prêche des prophètes, il était tourné vers Ibadatullah, Tawhidullah Azza wa Jal. Non. Kadhalika, Adam al-Wala wal-Bara indahum. Et aussi le fait qu'ils ont très peu d'alliance et de désaveu. Qu'est-ce qu'on entend par l'alliance et qu'est-ce qu'on entend par le désaveu, ya Mohammed? Ahsante. Yassine, c'est quoi l'alliance, c'est quoi le désaveu? C'est quoi l'alliance, c'est quoi le désaveu? Ouais, c'est l'alliance avec qui? Le désaveu avec qui? Allah alam. Ahsante. Athman. L'alliance avec les musulmans et le désaveu avec les kuffars. Naam. Parce que ça aussi, ça fait partie des usuls de la religion. Que tu dois t'allier avec jami' al-muslimin. Tu dois être un allié avec jami', avec tous les musulmans de la planète. Il n'y a pas de ah non, lui, c'est pas mon allié parce que... Non. Du moment qu'il est à l'islam, tu te dois d'être un allié pour lui. Et tu te dois te désavouer de tous mes créants. Même s'il est ton père, même s'il est c'est ta mère ou quoi, tu te dois de te désavouer. Bien sûr, les droits des parents, il n'est pas comme autrui. Non. Lakin al-wala wal-bara, ça fait partie des grandes croyances, des grandes bases de cette religion. Et eux, chez eux, tu vas trouver que... Ah, au micro, on l'entend. Depuis le début. Taïe, bismillah. Ah, ils ont pas entendu rien du tout. C'est quoi, tu peux regarder si ça passe, hein? Allah al-Musta'an. Pour une fois qu'on était mis à l'heure en plus. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'ala. Bismillah. Bismillah. Bismillah, Allah Akbar. Alors, طيب. À la kulli hal, étant donné que les sœurs elles n'ont pas entendu, qui sait qui peut nous faire un bref résumé. Je vois notre frère Riyad et ses sons d'attaque pour nous faire un bref résumé de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc là, on a évoqué les Khawarij, on a fait une petite révision, et on a évoqué que fait partie des branches qui s'affilient à la croyance des Khawarij. Quel secte? Naam, les frères musulmans. Les frères musulmans aussi, c'est une secte qui s'affilie aux Khawarij. Pourquoi? Parce que les Khawarij, la base de leur croyance, c'est le fait de se révolter contre les gouverneurs. Donc toute secte qui les approuve en cela et qui les suit peut être affiliée à eux. Non. Donc les Ikhwan al-Muslimin, ils font partie aussi d'une secte parmi les sectes des Khawarij. Et on a vu que parmi les critiques qui ont été faites ou qui sont faites à cette secte, on a vu certaines critiques. La première, appelés à Allah, enfin, leur façon de. Leur da'wah, elle est mauvaise. Leur da'wah, elle est mauvaise. Leur da'wah. Ils appellent pas directement à. Déjà, première des critiques qu'on peut leur faire, c'est qu'ils n'ont pas d'intention portée au tawhid al-ibad, qui est la base de toute adoration. S'il n'y a pas d'ikhlas, al-ibada, ma tasir. Qu'est-ce qu'elle devient l'adoration s'il n'y a pas d'ikhlas, s'il n'y a pas d'unicité? Batila. Elle est réfutée, elle n'est pas acceptée. Non. Donc, eux, ils n'ont pas d'attention, de véritable attention pour le tawhid al-ibada. Deuxièmement, on a vu que ils se taisent face au shirk al-akbar que commettent les gens. C'est-à-dire, tu ne les verras pas interdire aux gens de commettre ce genre de turpitude. Et comment ils pourraient les interdire, leur interdire alors que leur propre fondateur, c'est-à-dire Hassan al-Banna, c'était un soufi. Et comme on a dit, les soufis sont l'une des sectes, ou est l'une des sectes qui est le plus proche du shirk. Ce n'est pas tous qui commettent du shirk, mais leur tête, elles, sont tombées dans le shirk, et le pire même. Non. Taïb, on a vu quoi encore? On a vu aussi que dans cette secte, il y a énormément d'innovation. Quatrièmement aussi, on a vu que parmi les critiques faites à cette secte, que leur prêche est souvent tournée vers la politique, la gouvernance. La gouvernance. Naam. Et ceci est contraire au prêche du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ceux qui l'ont suivi. Car eux, leur prêche premier était tourné vers quoi? Vers l'unicité d'Allah azzawajal, l'adoration d'Allah azzawajal. Naam. Et dernièrement, ou cinquièmement, on était dans le fait que leur alliance et leur désaveu est faible. C'est-à-dire leur alliance avec les croyants est faible. Et leur désaveu envers les kuffars est faible. C'est pour ça que tu les verras, beaucoup d'entre eux, ils s'apparencient à eux dans les vêtements. Même si certains gardent la barbe, tu les verras, ils s'habillent comme exactement comme eux. Dans l'islam, lakin, bihim. Or, le musulman, il est aziz. Or, le musulman, il est aziz, bima a'tahu Allah. Il est fier de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Min al-sunna, wa min al-khair, wa min al-din, wa min al-shara. Faddam. Non. Il n'a pas besoin de copier les kuffars. Enfin, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Celui qui s'apparencie à un peuple, il fait partie d'eux. Et celui qui aime un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit ou a détesté, alors ça, c'est encore pire. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, la personne sera avec celle qu'elle a aimée, yawm al-qiyam. C'est-à-dire, imagine-toi, tu t'es fatigué à obéir aux ordres d'Allah et à délaisser les interdits d'Allah, mais dans ton cœur, il y avait de la mahabba pour certains kuffars, certains mushrikis. يوم القيامة تبعث معهم malgré tout le jour de la résurrection tu seras ressuscité avec eux. Pourquoi? Parce que tu avais cette mahabba. C'est pourquoi c'est très important d'apprendre la religion et d'apprendre le wala wal bara. Tu te dois d'aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et de détester ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Non. Quelqu'un aujourd'hui s'il viendrait à te frapper au visage, hein, ou il viendrait à t'insulter, plutôt on va dire t'insulter, il vient et t'insulte. Toi demain, tu vois un frère ou un ami à toi qui prétend qu'il t'aime il est là et marche avec celui qui t'a insulté, ou il le suit. S'il dit A, lui il dit A. S'il dit B, il dit B. Fahimtum? Fahada? Yani, shabi. Ma yahsul li ba'd al-muslimin. Donc ça, c'est un comparatif. Wa lillahi al-mathal al-a'la. Et Allah, on ne le compare pas à sa créature. Mais c'est un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des gens qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara. Bilisan al-hal ou bilisan al-maqam. C'est des gens qui insultent Allah d'une manière claire avec leur langue ou avec leurs œuvres. Donc nous, on se doit de ne pas d'être loin de toute ressemblance avec ce genre de peuple. Amma les ikhwan al-muslimin, ils n'ont pas de problème dans ça. Haoula ma indaw mishkal. Si les kuffars ils font des manifestations, khalas. Chez eux, ils vont prendre ça, ils vont dire ah non, khalas. Hadi tariqa sawiya. Sixièmement, parmi les critiques qui ont été faites à cette secte, le fait karahiyatuhum li ahli at-tawhid wa sunnah. Le fait qu'ils détestent les gens du tawhid et les gens de la sunnah. Wa fi'lan. Fi'lan. Tajidhum yuharibun yani ahli sunnah ashad al-harb. Tu les vois, ils sont tadal. C'est un point que beaucoup de sectes ou la totalité des sectes sont unanimes. Naam, ahsan tiyasin. Le fait que les ikhwan al-muslimin détestent les gens de la sunna, ça c'est pas un point qui est spécifique à eux. Mais la plupart des sectes ils sont comme ça. Pourquoi? Parce que les gens de la sunna, c'est eux qui appellent à la voie droite. Et c'est eux les seuls qui réprimandent leurs égarements. Et qui elles expliquent aux gens que ça, Aoula, ce sont des gens égarés. Non. Il y a beaucoup de prédicateurs qui, quand tu les entends, on croirait que leur vie c'est de descendre les gens de la sunna devant les gens. Comme il y a un prédicateur, comment il s'appelle? Hassan et Kusan. Parmi les ikhwan al-muslimis. Il peut faire une muhadara de 30-40 minutes, il va passer au moins 30 minutes à critiquer ceux qui portent la barbe, ceux qui portent le qamis ou chez Minhad. Non. Taïb. Donc, ça, en fait, c'est les grandes critiques qui ont été faites à cette secte. Ensuite, il y a une deuxième secte aussi qui est importante, que l'on voit. Mais est-ce que le temps va nous laisser? Ça comme ça que là? Il reste 30 minutes. Bon, on a que ta fille, Béad al-Qadr, Inch'Allah. C'est un peu le fait. Oui, là.